Elle lui bloquait dans les starting blocks. Depuis l'époque, il a défoncé les portes. C'est le fritz qu'on apporte, on vient cramer le hip hop. 3-0 sur la plaque, l'armée des 13 sorties des blocs. Ma comment leur a pour choc, me faut la hache qu'on exporte. Des années imposées sur track, je me fous de la fume à porte. J'suis venu saigner un fort, n'importe quel plan, on le tente. 2-3 sur la tête, en deux pit, on le détraque. La bombe explose du train. On les jeunes, elles la barbe pour les faire mourir aux stars. Et si tu veux voir des stars, avec la vanguarde et la star. On se taille à 18 carats, tu ferais pas de la parade. Trop puissant, pète des barrages pour représenter les parades. Homologué, yeah. Personne délégué, yeah. Quand tu bébé gay, yeah. La raison est légué, yeah. L'armée est violente, c'est normal, c'est les jambes. C'est 13 balles dans les jambes, tu repars sur les jambes, yeah. Vision est rouge, hardcore comme les gars qu'on égorge. Dédicace à ceux sous le torche, les mains dans les poches. Esquive la bague et leur torche, mais personne est vite, la mort est approche. Tous au même stade, agressif comme un staff. J'ai son goût, même sans les faves. Appelle-moi fort dans ma jungle urbaine, c'est elle lui fait comme la rue, quand ça crame dans les yeux, on a des flammes. On brûle la nation sous la colère d'une génération. Entre les drames, les crimes, les corps, nous en y écrit. Faut kidnapper ça, avec des petits frères bituris. Sur la France, on urine, on crée des tueries. On représente ceux qui faxent tout, ceux qui turbinent. Entre les bâtiments, entre les ruines, entre les coups des keufs, faut faire un guetta. 1900, violence incessante. Les flics se sentent persécutés lors de leur descente. Elle usait des rimes éclatantes en guise de balles perforantes. En bas la France de putain, si te pleuves, les frères font comme ils peuvent. Traversent ces épreuves, délire sale ou propre. Mais pas grâce aux hypocrites qu'on a dans le froc. C'est lourd et ça choque les obstacles. Tiendront dans la chatte quand on sera dans les terres. La hache de guerre, car rien trop de plus dans le coin. Et je mets à squat les halls et mes zinc frôlent la tôle. On y est un cercle fermé parce que mon pro vient de la rue. Le vécu nous inspire et le bitume. On respire, le destin lié, car nos morts dramatiques. La France nous a étouffés et on la baisse sur pied. Pour tous les gars du terre-terre, on lève le doigt en l'air. Si t'es un four, nique ta mère. Si tu nous testes, on s'en perd. Mon groupe, c'est TPA, les gens d'urbaine, c'est l'équipe. Je représente la délinquance, c'est qui fait flip, BPI. Attends, je t'ai pas tout dit, je suis asiatique. C'est pas pour autant que j'ai un putain de bac scientifique. Et bah, bah, c'est ce que t'entends quand y'a les flics croyant en rote. T'as trop souvent manque de flics. Moi, c'est pas, il reste tête brûlée. C'est bien ma clique, on flingue des hâtes. Donc virer l'automatique. Elle comme la rue, quand ça crame dans les yeux, on a des flammes. On brûle la nation sous la colère d'une génération. Entre les drames, les crimes, les porcs, nous en y écrit. Faut kidnapper ça, quoi, avec des petits frères du jury. Sur la France, on urine, on crée des tueries. On représente ceux qui faxent tout, ceux qui turbinent. Entre les bâtiments, entre les ruines, entre les coups des keufs, faut faire un guet-apens. Les jeunes urbaines, pour foudroyer les hyènes. Du groupe électrogène, on est passé à l'éolienne. Forgé par la rue de la délinquance issue. Moi, je compte pas m'éloigner, vu que c'est ma seule issue. Combien de fois j'ai voulu bâtir, souvent paré, donc souvent l'envie de sortir le bloc pour aller braquer. Fais s'il faut percer par les coups de percer. La ramée des 13 sur un sol qui pèse, sur un site qui est 16, arrive de la buzz, ça arrive plein de buzz. Les pros sur les pouces, au pro des guests du 12, toujours là pour représenter. Plus besoin de présenter, pas là pour présenter. Les soucis viennent nous hanter, tout santé, pas l'argent facile, je vais pas te raconter. Si tu veux tester les gens d'urbain, tes jours sont comptés. Si c'est H, machine de guerre, tu peux pas stopper. 2007, l'année de la recette, équipe de receleur, ça y est pour nous c'est l'heure. Certains disent que c'est mort, que pour nous c'est raté. Les skins sont piratés, on tape, on fait craper. Certains veulent pas racler, on n'est pas chez Barclay. Mon équipe t'a taclé, du succès j'ai la clé. Le carburant c'est tarpé, les concurrents sont largués. Elle lui t'a pas capté, mais ça va pas tarder. C'est comme la rue, quand ça crame dans les yeux, on a des flammes. On brûle la nation sous la colère d'une génération. Entre les drames, les crimes, les porcs, nous en y écrit. Faut kidnapper ça, quoi, avec des petits frères du jury. Sur la France, on urine, on crée des tueries. On représente ceux qui faxent tout, ceux qui turbinent. Entre les bâtiments, entre les ruines, entre les coups des keufs, faut faire un guet-apens.